avec quelques pas d'élan, prendre une impulsion sur le tremplin pour s'envoler verticalement et réaliser un salto avant en rentrant la tête, en tournant vers l'avant et en ramenant ses genoux contre soi, en attrapant ses tibias. Il faut ensuite se déplier pour atterrir sur les pieds.